vois partout sur tous les visages. C'est encore moi, je t'appelle en masqué. Je m'entends ta voix, est-ce que je suis bizarre? Je sais plus trop pourquoi, mais j'ai tout gâché. J'ai besoin de te revoir, j'ai besoin de t'écrire. Les autres ne savent pas à quel point je déprime. J'ai tendance à croire qu'on se retrouvera. Si je crie ton nom, ne te retourne pas. J'ai peur de rester, j'ai peur de partir. Est-ce que tu te souviens? J'arrivais le soir ivre, j'ai trouvé l'alcool, t'as trouvé quelqu'un. Regarde-moi franchement, est-ce que j'ai l'air bien? J'ai toujours pensé que j'étais coupable, que j'étais mauvais, que c'était tout moi. Maintenant j'ai compris, on était complices, mais rien n'a changé, je prends toujours sur moi. On s'était juré de tout faire, jusqu'à redevenir poussière. Est-ce que demain ressemble à hier? Je veux plus regarder en arrière. Rien ne compte à part aujourd'hui. Comment t'aimer si je ne m'aime pas? Mais comment t'aimer si je ne m'aime pas? Avec toi je suis tout seul, après toi y'a personne. Je me souviens ta douceur, dans ma cellule je m'isole. On baise, on va dormir, demain je vais encore fuir. Ce soir je vais pas sortir, nous j'y pense encore. Où tu vas, donne-moi la main, au revoir, merci de rien. Est-ce que c'est vraiment la fin? J'ai laissé passer le train, prisonnier des souvenirs. Pour le meilleur ou le pire, j'écris ces mots pour te dire que je t'ai pas oublié.